Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Les pharmaciens peuvent désormais vous prescrire et vous administrer vos vaccins. Un décret publié au Journal officiel le 9 août 2023 élargit les compétences des pharmaciens. Ils peuvent désormais prescrire et administrer l'ensemble des vaccins du calendrier vaccinal aux personnes âgées d'au moins 11 ans. Depuis novembre 2022, il était déjà possible à partir de 16 ans de réaliser en pharmacie l'injection de 14 vaccins. Mais il fallait disposer pour cela d'une ordonnance de son médecin traitant ou de sa sage-femme. Désormais, les pharmaciens peuvent à la fois prescrire et administrer, comme je l'ai dit, aux personnes âgées d'au moins 11 ans, les vaccins obligatoires et recommandés. Il n'est donc plus nécessaire d'aller voir son médecin pour cela. Attention, bien entendu, les personnes immunodéprimées doivent encore se rendre chez leur médecin traitant pour les vaccins vivants atténués qui sont constitués de virus ou de bactéries atténuées, comme ceux contre la rougeole, les oreillons ou bien encore la rubée. Alors, quels sont les vaccins concernés? Il s'agit donc d'une liste qui a été établie, sont la liste des vaccins obligatoires ou recommandés, notamment en raison de sa profession ou de son état de santé, et qui peuvent être donc prescrits, administrés par les pharmaciens. Alors, il s'agit de la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la grippe saisonnière ou bien encore la Covid-19, la rougeole, les oreillons, la rubéole et enfin la varicelle. Alors pour en savoir plus sur les vaccins obligatoires et recommandés, vous pouvez tout à fait consulter la fiche du servicepublic.fr, le calendrier de vaccination. Alors combien cela va coûter? Alors les tarifs sont déjà fixés. Ils sont de 7,50 € si vous venez en officine uniquement pour vous faire injecter le vaccin et que vous disposez déjà d'une prescription établie au préalable par un professionnel de santé autre que le pharmacien ou alors que la délivrance du vaccin ne nécessite pas de prescription. Et puis le tarif sera de 9,60 € pour la prescription et l'administration du vaccin par le pharmacien. Bien entendu, ces honoraires à payer au pharmacien seront pris en charge en partie ou en totalité dans certaines situations par l'assurance maladie lorsque le vaccin est lui-même remboursé. Alors il faut noter que tous les pharmaciens ne peuvent pas prescrire et administrer des vaccins. Ils doivent remplir un certain nombre de conditions, parmi lesquelles avoir suivi une formation. Il est donc nécessaire de se renseigner auprès de son officine de pharmacie pour savoir s'il est possible de s'y faire prescrire et administrer un vaccin et si un rendez-vous est nécessaire. Alors, comme je l'ai dit, les pharmaciens sont en train de se former, mais d'ici à quelques semaines, une dizaine de milliers de pharmacies sur les 60 000 existantes commenceront à vacciner. C'était les infos juridiques du CIDFF, une chronique proposée par le Centre d'information des femmes et des familles de Nancy, 1 rue du Manège. Pour toute question, téléphonez au 03 83 35 35 87.